Depuis 3 ans, il travaillait à en faire un chef-d'œuvre. Il avait eu soin d'en tenir le fourneau, constamment serré dans une gaine de chamois, de la fumer le plus lentement possible, sans jamais la poser sur du marbre, et, chaque soir, de la suspendre au chevet de son lit. À présent, il en secouait les morceaux dans sa main, dont les ongles saignaient. Et, le menton sur la poitrine, les prunelles fixes, béant, il contemplait ces ruines de sa joie avec un regard d'une ineffable tristesse. « Si nous lui donnions des cigares, hein ?» dit tout bas Issonné, en faisant le geste d'en atteindre. Frédéric avait déjà posé au bord du guichet un porte-cigare rempli. « Prends donc. Adieu. Bon courage. » Dussardier se jeta sur les deux mains qui s'avançaient. Il les serrait frénétiquement, la voix entrecoupée par des sanglots. « Comment ? À moi ? À moi ?» Les deux amis se dérobèrent à sa reconnaissance, sortirent et allèrent déjeuner ensemble au café Tabouret, devant le Luxembourg. Tout en séparant le beefsteak, Ussonné apprit à son compagnon qu'il travaillait dans des journaux de mode et fabriquait des réclames pour l'art industriel. « Chez Jacques Arnoux, » dit Frédéric. « Vous le connaissez ?»« Oui, non. C'est-à-dire, je l'ai vu, je l'ai rencontré. » Il demanda négligemment à Ussonné s'il voyait quelquefois sa femme. « De temps à autre, » reprit le bohème. Frédéric n'osa poursuivre ses questions. Cet homme venait de prendre une place démesurée dans sa vie. Il payait la note du déjeuner sans qu'il y eût de la part de l'autre aucune protestation. La sympathie était mutuelle. Ils échangèrent leurs adresses et Ussonné l'invita cordialement à l'accompagner jusqu'à la rue de Fleurus.